طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر آخر القواعد أو آخر القاعدة التي أخذناها في درس سابق؟ Qui peut nous évoquer la dernière règle que nous avons vue dans le précédent cours? عندك يا إسماعيل، إذا أجبت فعبر الواتساب. ما هي آخر القاعدة التي أخذناها؟ ها؟ Qui peut me l'envoyer en message en rapide, afin qu'on constate qui révise. طيب، أخونا إسماعيل يقول الصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم، هذا ضمن القاعدة السابقة وليست هي. نعم، c'est vrai que c'est une règle qui entre dans la règle que nous avons vue précédemment, mais ce n'est pas la règle à proprement dit, à proprement dite, que nous voulons. Non. Qui dit mieux, Juan? Ah. طيب، حتى لا نضيع الوقت. فالقاعدة الثالثة هي أن الصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ثبوتية وسلبية. نعم. و d'ailleurs on rappelle, on a oublié d'évoquer une brève annotation au sujet du mot salbiya. Certains savants ont critiqué ce mot-là, salbiya. Car en arabe, c'est non seulement une réfutation, une négation, mais c'est aussi une négation après avoir affirmé la chose. C'est une négation après avoir affirmé la chose. C'est pourquoi certains savants ont dit que le mot salbiya, il n'est pas correct. Et ils ont préféré utiliser le mot manfiya, qui est une pure et simple négation. Non. À la kulli hal, Cheikh Al-Uthaymeen, pour lui, il voit que les deux sens sont pareils. Donc, il a employé le mot salbiya. Non. طيب. وصلنا عند القاعدة الرابعة. Donc, là, on est arrivé à la quatrième règle. Et comme toutes les règles qu'on a vues jusqu'à présent, ce sont des règles qui demandent et nécessitent un tant soit peu de concentration et ikhwan. Et aussi, ça nécessite de pouvoir lier ce qu'on va voir aujourd'hui à ce qu'on a vu précédemment dans précédentes qawaïd, dans les précédentes règles, que ce soit dans les attributs, concernant les règles concernant les attributs, ou que ce soit les règles propres au nom d'Allah Azzawajal. C'est pourquoi la révision est très importante. Et aussi, on insiste pour que la plupart des frères qui suivent les cours veillent à avoir le livre devant leurs yeux. Veillent à avoir le livre devant leurs yeux. Encore plus lorsqu'il s'agit des cours téléphoniques. Car les cours téléphoniques sont encore plus complexes à comprendre lorsque tu n'as pas la vision du professeur. Non. ونسأل الله أن يردنا إلى مساجدنا ردا جميلا. Et vraiment, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il mette fin à cette épreuve qui nous touche et qui nous ramène dans nos mosquées, car il n'y a pas un meilleur endroit pour enseigner le livre d'Allah Azza wa Jal ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. على كل حال نحن في القاعدة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عليه رحمة الله: القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. La quatrième règle vise à dire que les attributs d'affirmation ثبوتية, les attributs d'affirmation, c'est-à-dire les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé à son propre être, ces attributs sont des attributs à la fois d'éloge et de perfection. Voilà, comme taqaddama ma'ana. Et ça, comme on l'a déjà vu précédemment dans un précédent cours, où on évoquait, lorsqu'on a évoqué le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit qu'il viendra yawm al-qiyamah et qu'il se prosternera, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enseignera des paroles élogieuses envers lui-même. C'est-à-dire, Allah, il va insuffler au prophète, alayhi salatu wasalam, d'invoquer des invocations qui contiennent un éloge envers Allah azza wa jal. Taïb, on avait vu que l'éloge d'Allah azza wa jal, il ne se fait que par ses noms de perfection et ses attributs élevé. فثناءullah عز وجل يعني تقام بهذين الأمرين بأسمائه وبصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Donc là, la qaïda elle dit que la règle, c'est-à-dire que les attributs d'affirmation, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé sur lui-même, sont des attributs élogieux et parfaits. فَكُلَّمَا كَثُرَتْ وَتَنَوَعَتْ دَلَالَتُهَا ظَهَرَ مِنْ كَمَالِ الْمَوْصُوفِ بِهَا مَا هُوَ أَكْثَرْ. Donc, plus les attributs sont multiples et diversifiés à la fois, c'est-à-dire en termes d'indication, diversifiés en termes d'indication, c'est-à-dire que un attribut peut avoir un sens propre et l'autre a un autre sens. Par exemple, l'attribut de la main n'est pas l'attribut de la jambe. L'attribut du visage n'est pas l'attribut des yeux. L'attribut de la connaissance, du savoir, n'est pas l'attribut de la force. Donc, plus les attributs sont multiples et plus ils sont diversifiés, plus cela plus cela extériorise le caractère parfait d'une manière claire et limpide, le caractère parfait de l'être à qui sont affiliés ces attributs. Tamam? C'est-à-dire, plus il y a d'attributs, plus ils sont diversifiés, plus cela indique que l'être à qui appartient ces attributs est d'une perfection infinie ou absolue. et d'une perfection absolue. Naam. وهذه القاعدة في الواقع هي تتمة وتكميل للقاعدة التي سبق. نعم. Et en vérité, cette règle-là, la quatrième, ce n'est juste qu'un complément de la règle précédente. يعني أن صفة الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية ومنفية. يعني سلبية. طيب. نعم. وهذه القاعدة يا إخوان المقصود منها بيان طريقة القرآن والسنة في إثبات الصفات الثبوتية والصفات المنفية السلبية. Et en fait, cette règle-là, elle a pour but d'expliquer la méthodologie que l'on retrouve dans le Coran et dans la Sunna lorsqu'il s'agit d'affirmer les noms, d'affirmer les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou lorsqu'il s'agit des attributs d'affirmation, ou lorsqu'il s'agit des attributs de négation. Donc cette règle-là, elle est là pour nous enseigner comment Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, il a affirmé ses attributs, ou comment il a employé ses attributs d'affirmation, et comment il a utilisé les attributs de négation. نعم. طيب. قال ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو المعلوم. كما هو المعلوم. Et ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen dit: Et c'est pourquoi les attributs d'affirmation sont bien plus nombreux que les attributs de négation. Tamam. Donc, là, il faut comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié dans son Coran et sur la langue de son prophète, alayhi salatu wassalam, il a multiplié l'affirmation de ses attributs de perfection, les attributs d'affirmation. Et tout ça pour nous amener à une chose, tout ça pour nous amener à comprendre que l'être à qui sont liés ces attributs est encore et d'une perfection encore plus évidente et plus claire et plus absolue. فالآن تفهمون أن الصفات الثبوتية تعتبر كمالا بمجردها. Donc là, vous retenez que les attributs d'affirmation, les attributs d'Allah Azza wa Jal qu'on considère comme étant d'affirmation, c'est ceux qu'Allah a affirmé pour sa propre personne, pour sa propre être, pour son propre être. Ces attributs-là, ils sous-entendent une perfection en eux-mêmes. Ils sous-entendent une perfection en eux-mêmes. Naam. Tandis que أما يعني الصفات السلبية والمنفية فالكمال ليس بمجردها الكمال بثبوت ضدها. Tandis que les attributs de négation, la perfection qu'on va en tirer, elle n'est pas en leur sein, elle n'est pas en eux-mêmes, en ces attributs-là. Non, elle est dans le fait d'affirmer le contraire de ces attributs-là. Donc les attributs d'affirmation sont plus nombreux dans le Coran parce qu'ils indiquent d'une manière plus claire et plus précise la perfection de l'être affilié à ses attributs. Fahimtum ya ikhwan? C'est clair ça ya ikhwan? Naam. طيب نعم قال وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية mais en ce qui concerne les attributs de négation en général ils ne sont que évoqués dans les cas qui vont suivre Donc vous retenez que les attributs d'affirmation sont beaucoup plus nombreux dans le Coran et dans la Sunna que les attributs de négation. Tamam. Et les attributs de négation, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les évoque que dans certains cas. Al-Ula bayan umumi kamal. Dans le premier cas, c'est lorsqu'il veut expliquer le caractère absolu de sa perfection. Lorsqu'il veut expliquer le caractère absolu de sa perfection. C'est-à-dire que sa perfection est globale et s'étend sur toute chose. Na'am. Wa ha huna ya ikhwan, à cet endroit-là, ya ikhwan, pour ceux qui ont le livre et pour ceux qui suivent, il est bon d'écrire une faïda muhimma ذكرها شيخ سعيد في شرحه وهي عبارة عن قاعدة donc c'est une règle à connaître que Cheikh Saïd a évoqué dans son explication du livre وهي أن الأصل في الإثبات التفصيل أن الأصل في الإثبات التفصيل والأصل في النفي الإجمال. Cette règle, elle vise à dire que la base, lorsqu'on parle d'affirmation dans le chapitre des noms et des attributs, la base, lorsqu'on parle d'affirmation dans le chapitre des noms et des attributs, c'est que l'affirmation doit être détaillée. Et la base, lorsqu'on parle de négation dans les noms et les attributs, c'est que la négation doit être bref, c'est-à-dire le contraire de détaillé. La négation doit être bref. Donc là, quand Shir al-Uthaymeen, il nous explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque de temps à autre les attributs de négation, il les évoque dans un premier cas pour expliquer l'étendue de sa perfection et le caractère absolu de sa perfection. Kama fi qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay, comme dans la parole où il dit laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est comparable. Ou dans l'autre verset où il dit wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dans l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et il n'y a rien qui lui est égal. »« Et il n'y a rien qui lui est égal. » Ça, ya ikhwan, dans ces deux versets-là, essayez de rester concentré autant que possible. Dans ces deux versets-là, vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté le mumathala. Il a réfuté al-tamthil fi l'ayat al-oula. Ou il a réfuté al-kufr. Il a réfuté d'être comparé à quoi que ce soit, et il a réfuté dans le premier verset, et dans le deuxième, il a réfuté un quelconque ego. Tamam. Ces deux réfutations-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les a pas détaillées. Parce que c'est l'asl, parce que c'est la base. En général, quand Allah subhanahu wa ta'ala réfute, il utilise les attributs de négation, il les utilise sans les détailler. Et en général, lorsqu'il utilise les attributs d'affirmation, il les détaille. Par exemple, lamma arada an yuthbita, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut affirmer un nom, il le dit clairement. Il précise ce nom-là. Ou il précise plutôt cet attribut-là. Il précise cet attribut-là, puisqu'on est dans le chapitre des attributs. Il le précise clairement. Kama fil aya, fi nafs al aya, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Et laysa kamithlihi shay, donc là nafi mujmal laysa kamithlihi shay. Il n'a pas dit il n'est pas comme l'être humain, ni comme le chameau, ni comme le ayy khalq min khalqillah. Il n'a pas décrit et détaillé lorsqu'il a réfuté une quelconque comparaison avec ses créatures. Mais il a été bref. Tamam? Tandis que lorsqu'il affirme un nom, il le dit clairement. Et il l'évoque d'une manière clairement précise. D'une manière précise. Tamam? Donc ça, c'est la base. C'est en général, la généralité veut que lorsqu'on parle des attributs d'affirmation, ce soit détaillé. Et lorsque l'on parle des attributs de négation, ce soit bref. Tamam? Donc là, le premier cas où Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie, il utilise les attributs de négation, c'est le cas le plus courant. Et c'est dans ce cas-là qu'on respecte la règle où il évoque la négation sans détail. Sans détailler. Tamam? Et on a bon nombre de versets dans le même sens, comme le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Fala taj'alou lillahi andada. Et ne donnez pas à Allah azzawajal des égaux. Et ne donnez pas à Allah azzawajal des quelconques égaux. Donc là, il a été bref. Il n'a pas désigné ou détaillé quel ego, de quel ego il parle. Il a été bref. Ou comme dans قوله ta'ala, هل تعلم له سمية? Est-ce que vous lui connaissez un quelconque ego? Non. Tamam. طيب, dans le deuxième cas, الثانية, dans le deuxième cas, et là, dans le deuxième et dans le troisième cas, là, on sort de la règle précédente qui veut que en général, lorsqu'on utilise la négation, elle soit brève. Et lorsqu'on utilise l'affirmation, elle soit détaillée. Donc là, on va sortir de cette base-là pour le deuxième cas et le troisième cas. Qala nafyu athaniya nafyu madda'ahu fi haqqihi al-kadhibun. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il veut réfuter les prétentions des calomniateurs, lorsqu'il veut réfuter les prétentions de certains calomniateurs, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie, il utilise les attributs de négation, mais là, exceptionnellement, il va détailler la négation. Il va détailler, yani dans la négation qu'il va employer, il va faire preuve de détail. Kama fi qawlihi ta'ala, comme lorsqu'il dit dans sa parole, An da'u lirrahmani walada, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Ils ont prétendu que le miséricordieux avait un enfant. Et il ne convient pas au miséricordieux d'avoir un enfant. Donc là, il a réfuté tout en détaillant quelle chose il réfute précisément, le fait d'avoir un enfant. Same to. Mais ça, c'est pas l'asl. Le asl, normalement, c'est que dans le nafi, lorsqu'il utilise la négation, il évoque la chose d'une manière brève. D'une manière brève. Cependant, lorsqu'il veut réfuter les prétentions de certains calomniateurs en ce qui le concerne, alors là, il utilise la négation en la détaillant. Naam. وهذه الآية في الأصل يدخل في النفس الإجمالي. Et en vérité, ce verset-là, même s'il est détaillé, c'est une négation qui est détaillée, ça rentrera quand même dans la négation absolue du verset Laysa kamithlihi shay. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah n'est pas comparable à quiconque, même Allah n'est pas comparable à quiconque, ça c'est une négation. Bref, et malgré que dans le verset où il cite Mana, qu'il réfute le fait qu'on lui a filé un enfant, cette réfutation-là, on peut quand même la faire rentrer dans la réfutation bref du verset, il n'est pas comparable à qui que ce soit. Parce que le fait de dire qu'il n'est pas comparable à qui que ce soit, ça veut dire qu'il n'est pas comparable à l'être humain. Et lui accorder un enfant, ce serait le comparer à l'être humain. Fahimtum? C'est un peu complexe, Juan. Lakin arju annakum murakizin. C'est un peu complexe, mais Inch'Allah, si vous restez avec moi concentré, Inch'Allah, vous allez comprendre. Tamam. Qala. والثالثة et dans le troisième cas où Allah subhanahu wa ta'ala il emploie ou il utilise les sifat les attributs de négation naam dans le troisième cas daf'u tawahhum naqs min kamalihi fima yata'allaq bi hadha al-amr al-mu'ayyan pour repousser toute ambiguïté. Pour repousser toute ambiguïté constituant une déficience dans sa perfection. C'est pour refuter toute ambiguïté impliquant une déficience dans sa perfection. Pour refuser et réfuter madame, toute ambiguïté impliquant une déficience dans sa perfection au sujet d'une affaire précise. Au sujet d'une affaire précise. Naam. Kama fi qawlihi ta'ala wa ma khalaqana as-samaa'a wal-ardha wa ma baynahuma la'ibin. Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en vain, yani en guise d'amusement. En guise d'amusement. Taïb. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre. En guise d'amusement. Taïb. Là, Yéhouan, quelle ambiguïté Allah subhanahu wa ta'ala a voulu réfuter dans ce verset. Quelle ambiguïté impliquant un manque de perfection Allah subhanahu wa ta'ala a voulu réfuter dans ce verset. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Si notre frère Haroun est ma'ana, nous l'aide. Si Haroun il nous écoute, Inch'Allah, c'est pour lui cette question. Oh Moussa, oh Othman, oh Mohamed, Tawil, Al-Muaddin, oh Ismaïl Abou Asya, oh Mehdi Hawa. يعني هذه سؤال لكم يا معشر الطلبة ها أخونا عبد الرحمن يقول le fait de se distraire Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté dans ce verset le fait de se distraire la baisse. Il a réfuté Naam, le fait de la distraction. Pareil, Yassine. Naam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mada. Othman yaqoul. Il a réfuté l'amusement. أحسنت يا محمد هذا هو أخونا محمد رئيس البلدية أجاب بالأجوبة التي كنا نريدها فالله سبحانه وتعالى lorsqu'il a réfuté là dans ce verset là c'est pas seulement il veut réfuter le fait que il n'a pas créé les cieux et la terre en guise d'amusement. Là, il veut réfuter le fait qu'il ait créé les cieux et la terre en vain, c'est-à-dire sans but, sans une volonté derrière. Donc là, il veut réfuter le fait qu'il ait créé ou l'ambiguïté que certaines personnes peuvent avoir en se disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il s'y passe sans un but voulu. Tamam. Donc là, c'est comme s'il voulait affirmer que il a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux avec sa volonté. Avec sa volonté. Et quand on dit avec sa volonté, فنحن على يقين جازم على أن الله عز وجل لم يقدر ولم يفعل شيئا إلا وهو مقرون بحكمته البالغة. Et nous, on doit savoir et on doit avoir la certitude, la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne décide pas d'une chose, ne veut pas une chose, ne fait pas une chose sans que cette chose-là ou sans que cette action-là soit en lien direct avec la sagesse la plus infuse, la sagesse la plus ultime qu'il soit. Naam. Tayyib. Wa qala wa fi qawlihi wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Et nous avons certes, et dans l'autre verset, il dit, nous avons certes créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre nous, et ce qu'il y a entre les deux, en 6 jours. Et nous n'avons été pris d'aucune fatigue. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut réfuter à travers ce verset? Ya Ikhwan? Hein? Allez, Juan, à travers ces versets, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut réfuter? Hein? Il veut réfuter la fatigue. Taïb, il veut réfuter sifat al-ta'b. Naam. Il veut réfuter le sifat de la fatigue. Naam. Naam, il veut réfuter le sifat de la fatigue. Naam. Donc, il veut réfuter le sifat de la fatigue et de surcroît, il veut réfuter Mada, afin qu'on soit en lien avec la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, l'ambiguïté d'une déficience dans sa perfection. Et là, l'ambiguïté de la déficience dans sa perfection, la perfection, c'est laquelle? C'est quelle déficience si on affirme qu'Allah il se fatigue? C'est quelle perfection qui sera rendue déficiente? Vous avez compris la question, Yahwan? Al-Qudra, Ahsant ya Ismail. Al-Qudra. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut réfuter une quelconque déficience dans sa capacité. Tout comme dans le premier verset, il voulait réfuter une quelconque déficience dans sa volonté. تمام؟ نعم. على كل حال يا إخوان، هذه سين قاعدة عظيمة، سين grande règle à mémoriser et à savoir. نعم. Surtout celle qu'on a rajoutée, qui vise à dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il affirme en général, lorsqu'il affirme dans le chapitre des noms et des attributs, il affirme avec détail. Et lorsqu'il réfute, il réfute brièvement, à l'exception de certains cas. Tamam. Et il est avéré aussi qu'on pourra trouver dans certains versets qu'il a affirmé d'une manière brève. Il a affirmé d'une manière brève. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Et à Allah appartient les plus beaux noms. Là, il affirme quelque chose. Il dit que à Allah appartient les plus beaux noms. Tamam. Là, c'est un caractère bref. Tamam. فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ. Tamam. Là, il l'a évoqué d'une manière brève. C'est une exception à la règle. C'est une exception. Oui. Mais sinon, la règle de base, elle veut que les noms, les attributs, mada, ou même les noms, tout ce qui est affirmé à Allah Azzawajal, ça soit affirmé avec détail. Et tout ce qui est réfuté, ça soit réfuté d'une manière brève. Tamam. نعم. والقاعدة الخامسة والقاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. Donc la cinquième règle, c'est ماذا؟ Elle vise à dire que les attributs d'affirmation se divisent en deux. Des attributs en lien avec son être et les attributs en lien avec ses actions. Donc il y a des attributs en lien avec son être et il y a des attributs en lien avec ses actions. فَالذَّاتِيَّةَ هِيَ الَّتِي لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَلْ مُتَّصِفًا بِهَا. Donc les attributs qui sont en lien avec son être, ce sont les attributs avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala n'a eu de cesse et n'a de cesse et n'aura de cesse d'être qualifié par ceci. Il n'y a pas un laps de temps sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit qualifié par ces attributs-là. فبمعنى يعني أن هذه الصفات لا تنفك عن عن عن ذاته سبحانه وتعالى في حال من الأحوال. Donc ces attributs-là, ils ne se séparent pas d'Allah Azza wa Jal durant un quelconque temps. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours qualifié par ces attributs-là. Qu'al-ilm, wal-qudrati wal-sam'i, comme la science, la connaissance, la capacité, l'ouïe, l'écoute, wal-basar, la vue, wal-izza, la puissance, la suprématie, wal-hikmah, la sagesse, wal-ulu, l'élévation, wal-azama, la grandeur. نعم. ويقولون كذلك ذاتية وعقلية. Et aussi, certains savants appellent ces attributs-là ذاتية عقلية. ذاتية عقلية. Ce sont aussi des attributs rationnels. لماذا عقلية يا إخوان؟ عقلية لأنها كما عرفت بالسمع أيضا تعرف بالعقل الصحيح. Pourquoi on les nomme aussi ces attributs en lien avec son être? Pourquoi on les nomme aussi comme étant des attributs rationnels? Tout simplement parce que tout comme on les a connus par le Coran et la Sunna, on aurait pu les connaître par la raison saine, par la raison saine. Naam. On aurait pu les connaître par la raison saine. تمام. فإذا أقر المرء أن الله عز وجل موجود. Donc si une personne, là j'essaie de vous faire comprendre comment on aurait pu, par la raison, on pourrait avoir la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a de les plus beaux des attributs. Par la raison, tout simplement, si une personne reconnaît qu'Allah, Azza wa Jal, qu'Allah existe, tamam, s'il reconnaît qu'Allah existe, فالموجود لابد له من صفة. أليس كذلك يا إخوان؟ Si on reconnaît qu'Allah existe, une chose qui existe est obligatoirement liée à un attribut. Elle est obligatoirement liée à un attribut, voire plus. Naam. Tamam. Car il n'y a que le néant qui n'a pas d'attribut. Il n'y a que le néant qui ne possède aucun attribut, aucune caractéristique. Naam. Taïb. Donc là, si on reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, ça sous-entend, ça implique directement qu'on lui reconnaît qu'il a des attributs, qu'il a un attribut. Tamam. Imma sifat naqs ou sifat kamal. Donc c'est soit des attributs de déficience ou soit des attributs de perfection. Naam. Wa sifat naqs fi haqq Allah ta'ala manfiya wa batila mardouda. لأن الله عز وجل هو الرب المستحق للعبادة فلا بد أن يتصف بصفات الكمال وهذا ندركه بالعقل الصحيح. فهمتم يا إخوة؟ Donc si on dit que Allah il existe, donc ça implique forcément qu'il a des attributs. Maintenant, est-ce que ces attributs sont des attributs de perfection ou des attributs de déficience? Forcément, on ne pourra pas qualifier Allah comme ayant des attributs de déficience, tout en sachant que c'est lui le seul, ou en reconnaissant que c'est lui le seul qui doit être adoré. Donc si on reconnaît que c'est lui le seul qui doit être adoré, donc forcément, si on, yani, d'une manière rationnelle, il n'y a pas un être qui considère un autre être comme étant adorable, en termes d'adoration, sans qu'il ne le considère comme ayant atteint le summum des attributs, la perfection des attributs. Tamam ? Naam. Donc ça, même avec le aql as-salim, bien sûr, il faut avoir une raison ou un raisonnement sain, on peut atteindre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède les plus élevé des attributs, et des attributs comme le ilm, le qudra, comme des attributs comme la connaissance, qu'il sait tout, le fait qu'il a capacité sur tout, qu'il entend tout, qu'il voit tout, qu'il est le suprême, le puissant, qu'il a la sagesse, et tout ça, ça c'est des attributs qui, même avec la raison saine, on aurait pu atteindre une partie de cette affirmation. Tamam. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on peut affirmer un nom ou un attribut d'Allah Azzawajal avec simplement la raison. Non. Tout ce qu'on veut dire par là, c'est que la raison saine est en coordination directe avec ce qui est les informations qui nous viennent du Coran et de la Sunna. Non. Taïd. Non. Donc cette première catégorie d'attributs en lien avec l'être d'Allah Azza wa Jal, donc on les appelle datiya, on les appelle aussi aqliya, et vous notez aussi qu'on les appelle aussi sifatun ma'nawiya. C'est des sifats, c'est des caractéristiques abstraites. Des caractéristiques abstraites. Non. Non. طيب قال ومنها ensuite il continue chez Al-Uthaymeen en disant ومنها là, c'est-à-dire et fait partie aussi des attributs en lien avec son être. As-sifatu al-khabariyya, les attributs qu'on considère ou qu'on appellerait d'information. Les attributs d'information. Tamam. Ouais, les attributs d'information, yaikhwan, si on se place du point de notre point de vue à nous, les créatures, ce serait des parties de nous ou des membres. Ce serait des parties de nous ou des membres. Mais on ne dit pas ça pour l'être d'Allah Azzawajal. Mais c'est juste pour vous rapprocher la compréhension. C'est quoi les sifa? C'est quoi les attributs qu'on considère comme étant d'information, khabariya? Ce sont les attributs qui, pour nous, de notre point de vue, si on regarde les créatures, ce seraient des parties de nous ou des membres. Mais avec Allah Azzawajal, on ne parle pas comme ça. On ne dit pas que c'est une partie de lui ou des membres. Là. Tamam. Et pourquoi on les appelle khabariya? Parce que ça, ce sont des attributs que là, la raison humaine, même saine, aussi saine soit-elle, elle ne peut atteindre ces informations-là. Elle ne peut atteindre et discerner ces informations-là. Tamam. Kalwajh, wal-yadayn, wal-aynayn, comme le visage, comme les deux mains, comme les deux yeux. Naam. Taïb. Je vous donne un exemple, Yerouane, pour que vous compreniez mieux le caractère, la différence entre le khabariya, les caractéristiques d'information qui ne peuvent être perçues par la raison et les attributs qui sont en lien avec son être, mais qui peuvent être perçus par la raison. Là, le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable sur toute chose, ça, la saine raison, la raison saine, peut atteindre cette compréhension-là, même si toutefois elle n'a pas forcément lu dans le Coran ou dans la Sunna. Vous êtes d'accord avec moi? Naam. Tandis que là, si je vous donne un exemple, mathalan, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main. Est-ce qu'on peut affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un poignet? Ou on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un pied. Est-ce qu'on peut affirmer la cheville? Là, il y a ikhwan. On ne peut pas affirmer la cheville. On ne peut pas affirmer le poignet Allah Azzawajal et ni notre raison, aussi saine soit-elle, peut nous amener à affirmer cela de près comme de loin. Naam. Vous m'excuserez, Juan, si je vais un peu vite, c'est juste que j'aimerais bien terminer la règle et passer au dars avant que au dars suivant, avant que l'heure du Maghreb nous rattrape. Naam. Donc là, on a terminé avec ce qu'on considère les sifat, les attributs en lien avec l'être d'Allah Azzawajal. Taïb. والفعلية والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. Donc, les attributs en lien avec ses actions. Ce sont les attributs qui sont en lien avec sa volonté. S'il veut, il les fait. S'il veut, il les fait, c'est-à-dire il fait ces actions-là pour lesquelles il est qualifié, hein, ou caractérisé. Ou s'il veut, il ne les fait pas. Et ça fait partie de sa perfection. Le fait de pouvoir faire une chose quand tu veux et de pouvoir ne pas la faire quand tu veux. Ça aussi, ça fait partie de sa perfection. ولا يستلزم ذلك يا إخوان لا يستلزم ذلك النقص كما يظن أهل الأهواء والبدع. Et ça, lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut, avec ses attributs, il C'est-à-dire, et s'il veut, il le fait, il fait une telle action, ou s'il veut, il la délaisse. Ça fait partie de sa perfection. Et ça ne sous-entend pas une déficience, comme peuvent le prétendre certaines sectes égarées. Naam. Donc ça ne veut pas dire que quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un temps où il ne fait pas l'action. Ça ne veut pas dire que il n'est pas qualifié par cette action lorsqu'il ne la fait pas. Ou il n'est pas capable, il n'était pas capable de faire cette action-là avant qu'il ne la fasse. Non, ça ne sous-entend pas cela. Ça ne sous-entend pas cela. Non. Bal هذا باعتبار آحاد الفعل. هذا باعتبار آحاد الفعل. وأما أصل الصفة فهو القدرة على الفعل. فالله سبحانه وتعالى لا يزال متصفا بهذه الصفة ولا يزال ماذا؟ نعم. ولا يزال متصفا بها. طيب. Donc lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut, il fait, quand il veut, il ne fait pas, là on parle de un de ses faire en ce qui concerne une telle action. Par exemple, le fait de descendre. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend chaque nuit, lors du dernier tiers de la nuit, il descend jusqu'au premier cieux. Taïb. Avec ce hadith-là qui est rapporté d'Abu Huraira dans le Muttafaqun Alayh, dans le Bukhari au Muslim, avec ce hadith-là, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas tout le temps. On comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas tout le temps. Mais est-ce que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de descendre à n'importe quel moment? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de descendre à n'importe quel moment. Seulement, il descend. Une de ses descentes au dernier tiers de la nuit, c'est-à-dire quand il le veut. Mais sinon, la base de l'attribut, qui est la capacité de le faire, ça, c'est affirmé à Allah Azzawajal. C'est affirmé à Allah Azzawajal. Et c'est pourquoi, Sheikh Al-Uthaymeen, juste après, il dit Mada, Kalistiwa'i ala al-arsh. Kalistiwa'i ala al-arsh. Fa l'istiwa'i ala al-arsh. الاستواء حصل الاستواء بعد أن خلق السماوات والأرض. Donc l'istiwa, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur le trône, c'est venu après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé les cieux et la terre. Ok? Donc, de ce point de vue-là, c'est un attribut fi'liya, sifatun fi'liya, qui l'a fait quand il a voulu. Il l'a fait quand il a voulu. Tamam. Mais il est à la fois dhatiya de deux points de vue. Du premier point de vue, car il a toujours été capable de le faire. Il a toujours été capable de le faire. Donc il est dhatiya de ce point de vue-là. Et d'un autre point de vue, qui est de dire que depuis qu'il s'est établi, eh ben il n'a eu de cesse d'être établi. Tamam. Il n'a eu de cesse d'être établi. Donc cet attribut-là, la tanfak an. Il ne se sépare pas de lui. Donc s'il ne se sépare pas de lui, il est automatiquement un attribut lié à son être. Datiya. Ya ikhwan, arju annakum taktubun. J'espère, ya ikhwan, que vous notez. Hadi fawa'id tashuddu laha ar-rihal. Bighayri fakhrin, lakin hassan li ikhwani على تقييد الفوائد حتى إذا راجعتم الدرس تفهمونه أكثر. Donc ça c'est des فوائد. J'espère que les frères les écrivent, car c'est des فوائد qui méritent qu'on voyage pour les avoir. C'est pas pour vanter ma personne que je dis ça, car c'est des فوائد de Cheikh Saïd et d'autres machers desquels on profite, mais c'est uniquement pour inviter mes frères à protéger la science qu'ils acquièrent, et de manière à ce qu'ils puissent la réviser et mieux la comprendre. في مستقبل قريب. Et aussi, ça leur permettra de redonner ce cours-là à ceux qui les entourent d'une manière plus objective. Naam. طيب قال شيخ العثيمين وقد تكون الصفة طيب كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ou comme le fait de descendre vers le premier cieux. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية. Et il se peut, donc Cheikh Al-Uthaymeen il explique ce qu'on vient d'expliquer précédemment, il se peut que dans un attribut qui est lié avec son qui est lié à son action, il se peut qu'on constate qu'il soit tantôt lié à son action et tantôt lié à son être, comme l'attribut de la parole. Donc lorsqu'on regarde l'attribut de la parole sur sa base, la base de l'attribut, il est lié à l'être d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire Allah est capable de parler, il n'a jamais été, à aucun moment donné, il ne sera jamais incapable de parler. Donc de ce point de vue-là, il est lié avec son être. لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما باعتبار أحد الكلام صفة وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية. Et lorsqu'on regarde une de ses paroles, lorsqu'on regarde une de ses paroles et non plus la base de la parole, on regarde une de ses paroles, là on voit que c'est un attribut en lien avec son action, c'est-à-dire en lien avec sa volonté. Il parle quand il veut. Tamam. لأن الكلام يتعلق بمشيئته. Pourquoi? Parce que la parole est en lien avec sa volonté. يتكلم ما تشاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Et ceci en vue de la parole d'Allah Azza wa Jal dans sourate Yassine verset 82 où Allah subhanahu wa ta'ala dit certes son affaire lorsqu'il désire une chose n'est que de dire soit et elle est, soit et elle est. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le kawn, Allah subhanahu wa ta'ala dit soit et c'est. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cette parole-là. Naam. Il dit cette parole-là lorsqu'il le veut. إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Naam. Donc, on voit là clairement le lien entre l'irada, والقول, والكلام. Naam. Le lien entre la volonté d'Allah Azza wa Jal et sa parole. Tamam. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إليه قوله أو قوله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et enfin, le shir termine cette règle en disant que on doit avoir la certitude et la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il désire une chose, lorsqu'il veut une chose, et lorsqu'il fait une chose, cela est en lien direct avec la sagesse la plus totale, la sagesse la plus absolue. Naam. Qu'on connaisse cette sagesse ou qu'on l'ignore. Qu'on connaisse cette sagesse ou qu'on l'ignore, il nous convient, nous, de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien sans que cela soit lié avec la sagesse. Et la sagesse, Ikhwan, c'est quoi? Wad'u al-ashya mawadi'aha. C'est le fait de poser les choses à leur endroit, Ikhwan. Wa ya laha min ajab. Wa ya laha min ajab. Et ne serait-ce que de vous dire cela, c'est une chose étonnante. Lorsqu'on vit cette situation dans laquelle on vit, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve la terre entière d'une même épreuve au même moment, mais avec une sagesse infuse, une sagesse infuse, subhanallah. Ala kulli hal, هذا يعني خلاصة ما أخذنا قاعدتان On a pris aujourd'hui qa'idatayn. On a pris deux règles aujourd'hui. Inch'Allah, j'espère que c'est compris pour la grande majorité d'entre vous. Inch'Allah, on va essayer de prendre on va essayer de prendre un peu de daoud dawa. Wallah al-musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.